الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue avec le livre de Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Mohsen Al-Badr. Et on est arrivé dans le chapitre qui s'intitule Mawqifan Azimain, de situations importantes et grandes. موقفان عظيمان يقفهما العبد بين يدي ربه، أحدهما في هذه الحياة الدنيا، والآخر يوم يلقى الله جل وعلا يوم القيامة. C'est-à-dire qu'il y a deux positions, deux situations dans laquelle le serviteur va être debout, où il se tient debout devant son Seigneur. Une de ces deux situations, de ces positions, c'est dans cette vie d'ici-bas. Et l'autre, c'est au jour de la résurrection, lorsqu'il va rencontrer Allah au jour de la résurrection. ويترتب على صلاح الموقف الأول فلاح العبد وسعادته في الموقف الثاني. ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه في الموقف الثاني. Donc le cheikh explique que la situation du serviteur dans cette première situation, elle aura des répercussions, yani, dans sa situation, dans la deuxième situation dans laquelle il va être. C'est-à-dire que, donc si la situation du serviteur dans sa première situation est bonne, ça aura comme répercussion et comme conséquence que le serviteur aura le bonheur et le succès dans la deuxième situation. Et le contraire également est vrai, c'est que la situation du serviteur, sa première position dans la première situation, elle est mauvaise, elle est corrompue, et eh bien ça va faire en sorte qu'il va dans l'au-delà, dans la deuxième position, être perdant, et être dans une situation de perdition. الموقف الأول هو هذه الصلاة التي كتبها الله جل وعلا على عباده وافترضها عليهم خمس مرات في اليوم والليلة. Donc la première position, la première situation, c'est le serviteur, yani, par rapport à sa salat. Et c'est-à-dire la prière que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendue obligatoire 5 fois par jour, durant le jour et la nuit. فَمَنْ حَفَظَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ وَاهْتَمَّ لَهَا وَاَعْتَنَ بِهَا وَأَدَّاهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَحَفَظَ عَلَى شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا هَانَ عَلَيْهِ الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Donc, celui qui a préservé cette salat, qui lui a donné son importance et qui s'est préoccupé de celle-ci et qui l'a fait dans son temps et qui a préservé également ses conditions, ses piliers et ses obligations, eh bien, il sera facile pour lui de rester dans la deuxième position, dans la deuxième situation, c'est-à-dire lorsqu'il se tiendra debout devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et il aura réussi et il aura eu le succès. Amma man istahana bi hadha al-mawqif falam yu'na bi hadhihi as-salah ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها عسر عليه موقف يوم القيامة. Donc le cheikh dit ensuite, en ce qui concerne celui qui a négligé et a donné peu d'importance à la première situation, eh bien, c'est-à-dire que il n'a pas donné à la salat aucune préoccupation et aucune importance, et il n'a pas été assidu dans sa prière, il n'a pas préservé ses piliers, ses conditions, ses obligations, eh bien il sera difficile pour lui, au jour de la résurrection, de satisfaire Yanni et d'être correct Yanni dans la deuxième position, deuxième situation dans laquelle il va être, c'est-à-dire lorsqu'il devra se tenir au jour de la résurrection. Ce sera difficile pour lui. روى الترمذي والنسائي وغيرهما روى الترمذي والنسائي وغيرهما عن حريث ابن قبيصة وقبيصة رحمه الله قال أتيت المدينة فسألت الله جل وعلا أن يرزقني جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقلت له يا أبا هريرة إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فعلمني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهو حديث صحيح. Et donc le cheikh il rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et al-Nasa'i et d'autres également, et il est authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. C'est un hadith rapporté selon Hurayth ibn Qabisa. Il dit, rahimahullah, je suis venu à Médine et j'ai demandé à Allah de me donner un compagnon avec qui je vais m'asseoir et qui sera vertueux. Et donc, j'ai pu m'asseoir avec Abu Huraira, radiallahu anhu. Alors j'ai dit, oh Abu Huraira, j'ai demandé à Allah de me pourvoir de quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'asseoir et qui serait vertueux et pieux. Et alors je te demande de m'apprendre un hadith que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala me fera profiter de cela et que ce sera bénéfique pour moi. Alors Abu Huraira a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, parmi ses œuvres, ce sera sa salat. Et donc, si sa salat est bonne, alors il aura réussi et aura eu le succès. Tandis que si sa prière est corrompue, eh bien, il aura était perdant et il aura péri. Et ça, c'est un hadith authentique. فتأملوا رعاكم الله ترتب صلاح الموقف الثاني على صلاح الموقف الأول والخسران في الموقف الثاني على الخسران في الموقف الأول. نعم. Donc le cheikh il dit, regardez et méditez que Allah vous préserve. Comment la situation dans la deuxième situation, comment elle a dépendu de la première situation. C'est-à-dire que si la personne a été bonne dans la première, elle a du bien dans la deuxième. Et regardez comment la perdition dans la deuxième situation est dépendante de la perdition dans la première situation. Et donc, ça c'est un point très important à méditer. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.